إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا جيت شيخ ياسر ده سورة الأعراف سورة 7 آية 187 كالله سبحانه وتعالى جي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك زد من توا أو محمد عن الساعة كونسينا الساعة أيان مرساها قد بو ات انفويي قل إنما علمها عند ربي جيزو Certainement sa connaissance-là, Rinda Rabbi. La yujalliha li waqtiha illahu. Il n'y a personne qui pourra mener de soleil, excepté l'Israël, l'Ikoni. Sa connaissance concernant sa question que je viens de poser là, Zid, mon Rabbi qui connaît ça. Chers frères et sœurs, quand nous t'en un aïe pareil, quand nous pouvons lire un aïe pareil, en tant que celui qui est dans l'iman, nous connaissons cette de bonnes préoccupations, une de bonnes l'importance, qui est qui est alentour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je te pose question. Concernant qui était? Quand jour qiyam. Quand jour qiyam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne l'autre pour répondre Zot. Oh Muhammad, Jésus. قل إنما علمها عند ربي. أو دا سورة 33 آية 63 كرسول صلى الله عليه وسلم قال من كشيون يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Je te pose toi question concernant la saa jour qiyama. Dis-je certainement connaissance là trouve-t-il auprès d'Allah. Possible. La ralla sa'a tatakoun qariba. Connais-les bien prêts avec eux. Ça, c'est croyance. Elle, c'est lui qu'on y peut lire Coran, il connaît qui ça, ses paroles, Allah subhanahu wa ta'ala. Mouvive avec lui. C'est quoi? C'est ça qui appelle jour qiyama, chers frères et sœurs, être sûr. Vif. Allah qui connaît ça. Un point, c'est tout. Nous capables pour lui simple. Mais c'est parmi ban croyances fondamentales qui trouve dans un celui qui est dans l'iman. L'iconé, oui, ban si pour arriver. Mais seulement prendre bien, Zodi dit, est-ce qu'il demain vendredi jour Kiyama? Malgré qu'il nous finit Tandjari, Salah Salam, Indesan, etc. Est-ce qu'il nous capable de dire demain jour Kiyama? Nous a croyance là nous. Nous connaissons qui jour Qiyama pour arriver, oui, par l'ordre d'Allah, mais seulement concernant laquelle vendredi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ça. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ça. Quand nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, juste visionne cette étape-là. Jibril alayhi salam, quand il vient vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et lui pose des questions. يا محمد فأخبرني عن الإيمان أو محمد فما connaissez quoi إيمان رسول صلى الله عليه وسلم répond أو محمد فما connaissez quoi الإسلام رسول صلى الله عليه وسلم répond mais quand il dit يا محمد فأخبرني عن الساعة أو محمد فما concernant jour قيامة رسول صلى الله عليه وسلم جلي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il dit, c'est celui qui finit gagner sa question-là. Il paraît que moi, c'est lui qui veut poser la question. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Ça, c'est la réponse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis là, chers frères et sœurs, nous trouvons qui plus noble parmi les anges, c'est qui ça là? C'est Jibril alayhi salam. Est-ce qu'il y connaît quand jour Qiyamah? Nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui gagne sa question là directement. Est-ce qu'il est capable de répondre quand jour Qiyamah? Si nous ne trouvons ni Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni Jibril alayhi salam qui prend ça, est-ce qu'il y a un monde plus en bas qui se tasse pour comme ça? Est-ce qu'il y a un qui gagne? Même si parmi les sahaba, même quand ses connaissances sont capables, est-ce qu'il y a un qui gagne le salat qui est là? Il connaît quand jour Qiyamah pour venir. Mes amis, chers frères. Mes amis, décale-nous bien. Décale-nous, mette-nous l'eau sarelle qui me croyant saisisse Allah qui compte jour Qiyamah. Puis la personne n'apporte lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit après il y a une question. Jibril alayhi salam dit fa'akhbirni an amaratiha. Oh Muhammad, fais-moi compte concernant ce bansi. Oui, bansi n'est capable de dire. Bansi n'est capable de dire. Oui, chers frères et sœurs, ça c'est nous croyons, c'est qui nous capables qu'on bansi quand jour Qiyamah pour arriver. Mais seulement à aucun moment un croyant ne pas connaît exactement quand jour Qiyamah pour prendre place. Mais seulement quand nous guettons le Coran, quand nous guettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait révéler ayah par ayah, 1400 ans de cela, guette parmi les ayah qui descend. Dans surah 33, surah Al-Ahzab, ça qui nous fait tendre ayat 63 de dire « Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba » Qui connaît jour Qiyamah bien prêt avec toi? Prends-y bien. Prends-y bien, cher frère. Qui fait? Parce que si moi me dis un kikène comme ça, tu es bien prêt avec lui. Lui bien prêt avec toi. Me prêt, moi, me prêt. Vedia dit capable, si vous pouvez dire l'ON Simé, Constant qui dit bien prêt avec toi là. Ou bien si vous pouvez cause l'ON bien parenté, vous dites que qui est bien prêt avec toi ça. Vedia prêt et même meaning de nous causer. Il y a une signification qui montrait en deux mots, peine à voir le guetti trop loin, il est bien prêt avec nous. Mais ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une service à moi là pour faire moi connaître quand vous dire moi jour Qiyamah là. Il passe pas qui distance avec moi. Pareil comme ça même quand il dit dans Surah Al-Ma'arij, ayat 6 et 7, il dit Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Certainement je peux trouver bien loin. Au fait, il est bien près. Certainement je peux trouver bien loin. Wa narahu qariba. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous ne pouvons trouver bien près. Nous ne pouvons trouver bien près. Moi, imagine-moi, mon vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans, depuis sa ayat la fin de san, il y a combien l'année, jusqu'à aujourd'hui, ensuite combien de temps pour aller à cause jusqu'à jour Qiyamah, le temps me compte tout ça ban l'année qui me passait là, je suis capable de gagner l'impression, mais déjà jour Qiyamah là, dit loin. Prends depuis ça l'époque, sa ayat la fin de san, jusqu'à jour Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle ça prix. Il appelle ça prêt. Veut dire, si nous guettons 1500 ans, alors on appelle ça prêt. 1500 ans. Nous avons cause 100, 200, 300. Nous avons cause 1500. Pour Allah, c'est encore prêt, ça. C'est de là qu'il m'a compris que Allah, subhanahu wa ta'ala, à la fin, sur la Nadirat, quand il dit, concernant sa personne-là, لم يلبثوا فيها غشية أو ضحاها. Ça dit mon âme quand vous levez, lui pour dire, mon pan vive l'eau la terre, il la rachie. Aïcha, nous nous guettons, au fait nous guettons coucher de soleil, ensuite nous guettons les Aïcha. Pourtant tous les deux viennent de la nuit là, mais comment nous distingue ça de l'air là? Comment nous distingue ça de l'air là? Azan Maghrib, il donne 6h05. Comment vous connaissez, il finit dans la nuit. Zohar, disons, je suis capable de gagner. Comment Zawal finit. Asar, disons, je suis capable de gagner. Comment un petit chose sur l'ombrage vient des fois de lit. Maghrib, vous connaissez comment le soleil est couché. Mais, Echa ne rentre comment vous gagnez. Loki m'a veillé. Au fait, Loki, il est venu, chers frères et sœurs, c'est Et c'est une expérience, nous guetter, nous trouve qu'au coucher de soleil, malgré ça, nous avons un éclairage, Dieu. Nous avons un petit éclairage. Nous avons pas fait bosser, pas trop fait noir. Mais, de prochaines 20, 30, 40 minutes qui viennent, la noirté l'a augmenté. Noirté l'a augmenté. Tant que noirté l'a augmenté, jusqu'à qu'il arrive à une place que partout il fait noir, à ce moment-là, qui est chaîne rentrée. À ce moment-là, qui est chaîne rentrée. Combien il prend ça? Il prend environ 40, 50 minutes. 40, 50 minutes. Ça, c'est un. Deuxième, Abdouha. Nous connaissons la cause d'Abdouha. En d'autres mots, c'est quand la personne se lever du soleil, après se lever du soleil, en 30, 40 minutes. Ça. C'est ça qu'on appelle la Salah, ça n'a pas ce qui nous fait saler là, Salah d'Abdouha. Un djimoun, quand il levé, jour qu'yama, lui dire, mon résiste sa quantité de temps là, l'eau la terre. Veut dire, il va causer une vie juste combien? 30 à 40 minutes. Combien 30 à 40 minutes n'allait de nous la vie? Combien 30 à 40 minutes il n'allait de nous la vie? Prends-lui, dans un jour, nous avons 24 temps, il a, multiplié-lui pour dire, fais-nous 48, 30 minutes. 48 là, à ça un jour, multiplié-lui pour 365, pour un an, multiplié-lui pour 40, 50 ans qui m'ont vivre l'eau la terre. Combien 30 minutes m'ont gagné? Mais moi, mon pensée, m'ont vivre 10, en 7, 30 minutes. Veux dire, si nous sommes là 8h20, t'allais là quand je suis dans Echa 8h-15, pour venir à là, ça même tout comment nous vivre l'eau la terre. Ça même tout comment nous vivre l'eau la terre. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous là. Ça compte ce qui m'a trouvé, m'a aller là, là, moi. Au fait, jour qu'yama, fais-moi gagner l'impression qu'il m'a fini de vivre 10, 30 à 40 minutes. Chers frères et sœurs, à partir de là, nous disons bien, bismillah. Tous les temps, quand nous causons concernant ce qu'yama, dans le langage arabe, nous dit Ashrat ou Sara, Ashrat, Alif Shin, Re Alif Ta, Ashrat. Ashrat qui veut dire Ashrat et même dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant le jour qiyama, li amène sa moula. Li amène sa, sa moula. Ashrat qui veut dire ban signe. Qui veut dire ban bouger, ban quelque chose qui bouge. Qui fait appeler li Ashrat? Parce que pour y a ban changement qui est arrivé. Ban quelque chose bouge. Et là qui prend la fin, l'autre vient de se place. Dans le qui fait nous appeler Ashrat ou Sahara, Ashrat pas veut dire si. Quand nous traduisons littéralement, il veut dire si, oui. Mais seulement le mot qui il servit de nous dire Ashrat, Ashrat veut dire bouger. Tant que le temps là peut aller, peut bouger, et n'a pas de nouveau quelque chose peut prendre place. C'est pour ça qu'il y a ce nom-là. Ashara, oui, pour nous finir, nous finir traduisons, Sahara veut dire jour qu'yama. Mais seulement au fait, Sahara veut dire il est temps de nous dire. Il est temps. Quand nous disons un dimoun, l'air en arabe nous dit comme Sahara. Qui l'est là? Veux dire, c'est une question l'air qui fait causer là. En d'autres mots, le temps nous joigne l'aider ensemble. PPNU connaît qui au fait pour arriver un moment que ça quelque chose qui appelle l'air là et pour finir. Juste nous-mêmes, amène-nous à réfléchir. Qui fait un appel Sahara? Sahara. En arabe, Sahara veut dire monde. Sahara veut dire inestant. Qui fait les qui gagne ce nom-là? Parce que quand on arrive ce jour-là, chers frères et sœurs, être sûr qu'il sache nous appelle les temps-là, à partir de ce jour-là, il fait la valeur. Il fait la valeur. Oui, jour qu'Yama prend place un jour de vendredi. Ensuite, est-ce qu'il nous attend dire qu'ensuite samedi pour arriver ça, ensuite dimanche pour arriver ça? Est-ce qu'il nous attendait de cela? Tous les temps, là, qui nous arrêtait? Donc, les jours de vendredi. Qui fait parce qu'une fois qu'il s'ajoute là, qu'il prend place, samedi n'est plus existé à terre. Dimanche n'est plus existé. Ça qui appelle jour, ça qui appelle l'air, ça qui appelle minute là, n'est plus existé. Même ça dit monde qui pour passe par l'enfer pour les vins de Jannah là, c'est pas le quantité de temps qu'il y fait de l'enfer, mais le basant le quantité de péché qu'il y fait. Pas le seul temps ça. Les parents de l'enfer, c'est pas pour 3 semaines, pour 4 semaines, est-ce qu'ils nous attendent quelque chose comme ça? Qui fait? Parce qu'il nous dit que finalement, ce nom-là, il finit à mener Sarah, les temps. En d'autres mots, pour arriver, un laps de temps de toute la vie, qui s'appelle les temps-là pour arriver de compter ça, fini-lui en place. C'est de là qu'il finit gain ce nom. C'est de là que chef frère, nous dit bien qu'il y fin gain, il y fin gain ce nom. Quand nous dit à Esther, à Sarah, concernant ça les temps-là, comme il y en a comme ça. Parce que tout le temps, nous avons l'impression que ma cause, hein, fait cause Sarah là, veut dire qu'il y a un ça, grand là. Jamais, il y en a trois ça. Il y en a trois. Il y en a un. Il y en a deux. Il y en a trois. Ça qui nous appelle Qiyama. Parmi ce bansi. Ça qui nous appelle Qiyama. Parmi lui-même lui en tant que Qiyama. Chers frères et sœurs, les divisions en trois. Pas faire confusion avec ce signe. Si c'est une autre petite chose. Nous pécons concernant Qiyama là lui-même pour nous. Chacun prend individuellement. Comme il y en a trois ça. Un, c'est l'amour en Djimoun. L'amour en Djimoun. Oui. L'amour en Djimoun, chers frères et sœurs, qui fait? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est clair. Quand ça dit vous là, il rentre de Kabbal. Qu'il y soit un bon Djimoun ou bien un mauvais Djimoun. Qu'il y vous dire? Nous prenons un bon Djimoun. Quand il récit répond à ces trois questions là, qu'il y dit? Rabbi, après Sarah. Oh Allah, fais jour qu'il vini. Et si il y a un mauvais Djimoun, il mal répond, qu'il y dit? Rabbi, la t'akrimi Sarah. Oh mon Rabb, fais jour qu'il y a ma arrivé. Sorry. Parce qu'une fois qu'il s'appelle ce nom, l'inmo, quelle direction il veut prendre? Je rien, moi. Dans tout, ben, quelque chose qui finit d'arriver, nous guettons la personne étant inmo. Sur les copiers, d'ailleurs, Alhamdoulilah, nous finissons faire aller, c'est sur les copiers qui causait la peine à ce jour là-dedans. Quand il dit, fais vite, amène-moi, ou bien malin, le moins copié, amène-moi. Alhamdoulilah, nous guettons ça, hadith là. Quand nous mettons l'idée à faveur, quand il y a une question, trois questions, il répond. Basant le qui est-ce qu'il fait causer. Basant le question qu'il a gagné, qu'il répond. Mais seulement quand est-ce qu'il s'agit de la cause pour lui-même. Ce n'est qu'après avoir gagné ces trois questions. Quand il trouve qu'il est préparé pour lui, c'est lui bien répondre. De là, il dit, Rabbi Akim Sara, ou Allah fait jour Qiyama, arrivé. Quand ça? Là, ça fait son appel cause pour lui. La peine à personne qui pose des questions, peine à l'homme qui peut poser aussi là. Pareil comme ça même, quand ça dit, on a dit, oh, mon roi, parfait jour qu'il y a m'arrivé. Quand ça? Quand il finit, il y a ces trois questions là. Oh, donc, chers frères et sœurs, quand nous regrettons, nous vous trouvons que l'amour, c'est une de bonne étape qui peut amener un dimoun directement vers jour qu'il y a m'a. Ça appelle plus petit qu'il y a m'a qui est arrivé. Comment un dimoun peut mourir? Deuxième, c'est Hadith, qui trouve dans Sahih Bukhari. Quand une fois, rapporté par Aïcha radiallahu anha, lui dit, ban bédouin, kan al-arab, iza qadimu ala rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa'alou an istara. Ban bédouin, je tiens tous les temps ce caractère là dans autre, quand je disais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, oh Muhammad, j'ai qu'il y a ma camp. C'est un de mes tracas que tu peux gagner. Je disais, ma tête sara. Quand ça, quand j'ai qu'il y a ma pour arriver? Rasul sallallahu alayhi wa sallam getzut, fa nazara ila ahdati inasi minhum. Li get sa ki pli ti ti pomi zut. Un groupe di moun na en vin ve ali, bana di ali, oh Muhammad, quand jour qiyama, li get sa ki pli ti ti pomi zut. Fa kal, et li di, iyakhsha hadha lam yudrikuhu l'haram, qad qamat alaykum sa'aratakum. Li di azut, ban grand zon pose la question là. Quand ta ti pti là li grandit, il arrive, même là, qui je connais. Ça, c'est un deuxième Sarah qui est arrivé. Ça, c'est une deuxième qualité Qiyama qui est arrivé. En deux mots, qu'il est le prophète peut dire là. Chef Ressir, les pécoses, le changement de génération. Changement de génération. Ça qui tip petit là, les mêmes petits de sa com là, de sa peuple là, de sa tribu qui vient là. Les temps, il grandit, lui. Ce dada, quand vous êtes là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montré les termes d'épouvine dans toi tout l'âge. Toi qui me poses question là, disons que tu as 60 ans. Azodi, ses enfants là, il y en a 7-8 ans. Quand il gagne 60 ans, veut dire après 52 ans, toi dada, que tu peux être. Toi papa, que tu peux être. Combien de générations finissent en là? C'est ça qui déjeune. C'est Arakina de nous dire, chers frères. Premier, c'est quand sa personne là, lui-même, il mourut. Déjeune quand nous trouve génération là, puis nous avons aussi Qiyama là. C'est vraiment ça qui vient à nous, Inch'Allah, dans quelques minutes là. Mais seulement ça qui nous vient connaître, c'est direction qui nous peut prendre, nous, individuellement, vers Qiyama, c'est en nous l'amour. Deuxième, quelle direction quand nous trouvons nos générations pessantes. Quand il est parmi nous, les temps nous trouvons un. Ah, il y a quelque chose, mon gosse, qui te gosse qui est grand comme ça là, il va venir à trouver. Il va trouver juste là ce gosse. Mais quand gosse, on a grandi, toi qui n'arrives toi. Qui n'arrive pas, tu ne saisis en place, tu ne sais-tu là, ou bien tu es grandi ensemble. Tu es grandi. Sans qu'il m'aura noir compte, qui peut arriver? Génération là peut changer, oui. Génération là peut changer. C'est ça qui de Hadith, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Aïcha radiallahu anha, lui dit, quand je trouve ça, petit là, l'invin kumatoa, connais, quand, qu'amat alaykum saharatekum, certainement je sahara, je priyaman, fini, vini, je. Mais de la génération la paix, peut changer. Et sans aucun doute, chers frères et sœurs, troisième qualité, Qiyama Kena, c'est al Qiyama Tel Kubra, veut dire que chaque dimoun pour sortir des prudents de ce kabbal. Chaque dimoun pour sortir dans de ce kabbal. Donc ça, c'est trois Qiyama qui viennent. Le N personne, N solamo, deuxième que nous trouvons, génération la paix changer. Et troisième Qiyama qui peut atteindre nous, chers frères et sœurs, c'est le jour Qiyama lui-même, ça qui tout le temps nous fin tendez. Comment nous dire qu'il faut un avant savant qui divise lui en trois, pour se dire, pour même un signe Qiyama, ça qui nous passe dans l'époque Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, deuxième signe, c'est pour un ban qui nous peut vivre actuellement, troisième, c'est à laver, veut dire qu'on veut dire laver, ça qui plie prêt avec le jour Qiyama, quel que soit façon qu'ils ont divise lui, être sûr, hadith ou d'être, Ibn al-Yaman, radiallahu anhu, là-dedans, il n'a pas de signe. Veut dire ça, ben, partition qui nous vient là, il vient depuis ben savant. Et n'a fini de diviser en deux, et n'a fini de diviser en trois, tout cela, le, ça qui est plus important pour nous, c'est qu'il nous continue là, avec nous. En tant qu'un croyant, chers frères et sœurs, comme autant Qiyama, si pose-moi question, qui premier signe Qiyama. Et comment nous avons dit, ça va nous passer, nous peux y aller. Nous ne pouvons pas venir pour nous apprendre une petite chose, pour ensuite nous montrer quelqu'un qui me connaît. Non. Prends-le bien à chaque fois. Quantité de connaissances pour nous gagner, comme on rentre dans Masjid, comme on peut sortir pour connaissances une bizarre, augmenter. C'est tout qui nous redit là. C'est tout qui nous redit. En d'autres mots, me connaît comme on peut sortir dans Masjid, si mon connaissance qui nous augmente, c'est mon daradia devant Allah qui nous augmente. C'est tout. Moi, j'ai besoin de Masjid, moi, j'ai besoin de khutbah vendredi, moi, j'ai besoin non. Moi, j'ai besoin juste ça là. Moi, où les mots daradia augmentent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans mon tête, c'est clair. Qui m'en apprend, qui en a trois qiyamas. Un petit, c'est mon amour. Deuxième moyen, c'est qu'en génération pessanzée. Troisième, c'est les grands qiyamas qui amène un dimon sorti depuis de ce kabbal. Quand nous pécons concernant Bansin, qu'il y soit, nous mettons en trois, ces petits moyens gros, ou bien nous pouvons diviser en deux, être sûr tous ces signes Qiyama. Premier signe pour un croyant, chers frères et sœurs, c'est la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premier signe Qiyama. Premier signe Qiyama, c'est la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Quand ce prophète-là, il vient de la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Dans surah 33, surah Al-Ahzab, ayat 40, « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum » Muhammad dit « Papa, personne pour mes musulman de Miché. » Mais il dit « Papa, pour une génération, on dit. » Dites Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu n'y arrêtes ça. Un quelqu'un vient, il est capable de dire « dans la même tribu que les prophètes. » Ok. Mais seulement un qui ken vini li dia ou comme ça, mo génération li vini, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pas djali, nous tcheki, nous djali de mentir. Direct. Pas cause comme ça. Mais comment vous diaou ça? Diaou li en anglais? Puis n'a aucune façon vous diaou ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ayat 40 de surah 33 li dia ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Allah subhanahu wa ta'ala, façon qu'il est causé, chers frères et sœurs, nous, quand nous causons, nous vous expliquer. Mais lui, Rabbul Alamin, il est devenu saint de vous-même. Vous finissez comprendre les restes. L'idée que Muhammad dit pas, papa, personne, pas lui, ben, Miché, qui fait? Parce que, ne vous trouve qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le garçon qui l'a gagné, qui n'est arrivé. Il m'a dit, parce que c'est à travers garçon, Qui, quand nous gagnons l'autre garçon, sa génération là peut continuer, oui non. Sa génération là peut continuer. C'est pour ça, en parenthèse, nous dire, nous avons l'impression, demain, comme on gagne un garçon, on tape premier lot. Comme quand on gagne un petit fille qui vient taper, on tape deuxième lot. Et rire. Ça fait rire. En fait, petit fille là, premier lot d'ordine. Petit fille là, premier lot d'ordine. Ensuite, un garçon. Et ça, alhamdoulilah, à plusieurs reprises, nous venons mettre l'emphase là, nous venons trouver qu'il y a le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukura » Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ça qu'il voulait. Tifi, et lui donne ça qu'il voulait, garçon. Il fait mention de tifi avant. Parce qu'il doit dire « Tifi pour une plus valide qui garçon. » C'est pour ça, « En de ban » Parce qu'il y a que nos garçons, c'était qu'on nous rend la case, hein. « En de ban » Tabirin lui dit Al-banatu hasanat, wal-banuna ni'ama. Il dit, ban tifi, c'est ban bon action. Et ban garçon, c'est ban faveur. Il continue à dire, pour chaque bonne action, nous gagnons fois 10 à 700. Veut dire, pour chaque tifi, nous sommes capables de gagner 10 à 700 bonnes récompenses, l'un seul tifi. Il dit, quand tu as ban garçon, c'est ban faveur, et le chaque faveur qui nous gagne question. Le chaque garçon qui nous gagne question, l'autre. Mais sanctifie, être sûr, il faut augmente nous, récompense. Nous faisons parenthèse, nous continuons. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de personne, parmi les garçons, parmi eux. Mais des générations la réclament. Même si Tifi Fatima radiallahu anha, comment il y a des garçons, pour dire même qu'ils ne peuvent pas venir dire non, mais moi, mon côté Fatima, moi. Qui arrive sur les garçons? Sur les garçons morts. Sur les garçons morts. Juste pour nous comprendre, chers frères et sœurs, que sa génération-là, il est coupé puis devant, il est coupé. Allah subhanahu wa ta'ala, il arrête lui. Ensuite, qu'il dit, « Walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin » Mais, il n'est pas papa personne, mais il est un messager d'Allah et lui-même khatam, la fin. Khatam, ça veut dire khatam. Khatam, il est un khatam. Khatam, khatam veut dire fini. Khatam al-Nabiyyin. Tout ça, le prophète qui vient là, il arrête tout le monde. Nous, qu'est-ce que c'est là? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est là pour ban djimoun et djinn fait sur ibada, à chaque fois qu'ils ont glissé, ils envoient un prophète. À chaque fois qu'ils ont glissé, ils envoient un prophète. Si les temps, ils envoient un prophète, ils disent ça, c'est le dernier prophète. Qui ne comprend pas ça? Sans aucun doute. Après, il dit pour une quelqu'un, après, il dit pour une personne. Mais si après, il dit pas pour une personne, mais qui nous attendent la terre là pour vous bien faire l'os, pour continuer les autres vivre comme vous voulez, ou bien les pour ramasser cette terre. Ou bien les pour ramasser cette terre. Quand nous guettons nous-mêmes, quand un kiken, Déo, nous lui avons eu casse pour lui, avoyer, pour nous dire, bon, c'est un dernier mauvais de toi là, hein. Dernier mauvais de toi. Comment tu as fini que nous vous faire cette terre? Bako, fini. Parce que tant que moi, tu peux, moi, je continue de donner, quand dernier l'année vient qu'arriver. Dernier là, il vient, c'est ainsi, vous faites connaître, il est là pour te retourner en terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala comme amène. Donc de là, l'éclair, chers frères et sœurs, le fait qu'il est même dernier prophète. Lui-même dernier prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie l'eau la terre, qui nous attend pour arriver la terre là pour devant terre. Il n'y a aucun prophète pour venir. Comme a rapporté par Anas radiallahu anhu, chers frères et sœurs, quand il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit « Bouristu ana wa sa'atu ka hatayni » Il dit « Moi mon vini, mon fin vini l'eau la terre, ensemble avec le jour qu'yama, comment ça dit là ?» Pour 25 qu'il avait trouvé, quand il peut dire ça dit là, il ramasse ce trois les doigts, veut dire ce pouce, ce avant-dernier les doigts avec ce petit les doigts, il garde 10, l'index et le majeur. Il garde ça dit là. Il montrait ça. Comme quand nous avons dit monde, il montrait ça de là comme ça. Il dit, moi, je suis Yaman, nous venons comme ça. Ça, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi, fin être envoyé l'eau la terre, veut dire, comme un prophète, et que je suis Yaman, comment nous étions. Qui fait les vins montrer ça? Parce que, est-ce qu'il entre et il y a quelque chose venu là? Non, il n'est pas venu. Ensuite, quand nous guettons les doigts, quand nous faisons chiffrer, il y a quelque chose qui relie les autres. C'est juste sa bout de la peau en bas là. Ça même tout. En d'autres mots, comment ça prophète là, aller qu'il faut arriver à l'os. Ces prophètes là, ils viennent comme ça. Et ça, jour Qiyama, veut dire qu'au prophète là, il y a aller qu'il faut arriver. C'est la direction jour Qiyama, chef. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il me dit clair. Les diables vont être envoyés et que j'ai au Comment ça dit là? Oh, donc, pour un croyant, comment il finit comprendre ce hadith là? Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire bon, fin être envoyé et que j'ai au comme ça, quand nous finit dire, quand nous fait finir avec des gemmes les doigts là, quand nous perdons le troisième là, nous perdons la direction quoi? Nous perdons la direction du Qiyama. En deux mots, si nous posons question, deuxième signe Qiyama, c'est quoi? C'est la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit là. Mais ça dit là que maman s'en fait. Mais si nous guettons quand nous déjeunons les doigts finis à faire. Si nous déjeunons les doigts finis là, qui reste moi le troisième là? Déjeunons les doigts là, il finit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit, et lui il finit quitte dunya. Qui reste? Résistant. Mais c'est quand ça nous fait vivre là. Et quand nous fait vivre là. Mais ça l'espace qui nous fait vivre là, l'amour. Le sale espace là, mauvais vivre là, nous fait cause concernant l'abs des temps. Ça même touche le feu. Quand tu es beau, quand tu es quand tu modèle les doigts, mais ça compte que les temps, l'espace est resparé seulement ou non. Il va resparer, ça n'est pas pour maintenant, ni. Il va pour maintenant, ni. Quelqu'un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il amène un exemple. Quand il fait une montre sur les doigts, qui fait? Parce que, oui, nous disons bien, tout bon signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce bon conseil, il amène en général, excepté si il n'y a pas exception. En d'autres mots, qui joue qui nous paquette ça des doigts à la démonie? Qui joue qui nous paquette vie ça de l'ami là? Qui joue que ça des doigts à la papa arrête devant nous? Est-ce que nous sommes capables d'oublier jour Qiyama? Est-ce qu'ils sont capables d'oublier jour Qiyama? Qu'est-ce qu'il était devant moi? Moi pour écrire, moi pour manger, moi pour conduire, moi pour. L'ami là devant moi, oui non? Il montre nous à des doigts là. Il montre nous ça des doigts là. En d'autres mots, à chaque fois qu'il peut dire moi, qu'est-ce que tu veux vivre? Dites que tu veux vivre. Mais que tu veux faire à l'os? Dites que tu veux vivre, chez vous. Dans sa bout qui nous fait vivre, là, il y a 14 ans, il finit d'aller là-dedans, là. Il y a 14 ans, il n'y a. Mais comment vous pensez sa bout là capable de rester à l'os? Or, comment vous pensez pour rester encore? Ça, l'exemple du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, des hadiths qui trouve dans Sahih al-Bukhari, qui rapportait pas. Auf ibn Malik radiyallahu anhu li dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ordo sittan bayna yadayhi sa'a prépare six petites choses juste après le jour qiyama juste après le jour qiyama veut dire c'est pas une petite chose qui précède jour qiyama là dans premier qu'il dit maudi mulamou oui chers frères quand nous guette sa dine quand nous guette sa latia là plus grand moussiba qui est capable d'arriver, c'est l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pense ça bien. Imagine-nous, meilleur créature qui finit d'exister là où ça la terre là, il n'est plus présent là où ça la terre là. Qui vous fait là la terre? Meilleur. Jusqu'à ce l'ennemi reconnaît lui, qui est un bon du monde. Ce l'ennemi. Quand nous peut dire ce l'ennemi, on connaît que ça nous peut dire Abu Jahal. Abu Jahal, lui vient avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Muhammad, nous pas fait dire de mentir, mais seulement nous pas croire ça que tu veux dire là. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Muhammad, nous pas fait dire de mentir parce que tu es un bon du monde contre nous, nous contre toi, tu es un grand parmi nous. Mais seulement dis ça, j'avais dit un prophète là, c'est ça que nous avons accepté là. Libéraux, par autre affirme ça que le prophète peut dire, mais seulement s'il n'a pas accepté ça, il va vous démentir le prophète là. Il va vous amener à des rôles là en place là. Ça Abu Jahal. Ça Abu Jahal. Si Abu Jahal mette-lui dans une situation pareille, quand au fait, s'il réfléchit, lui-même qu'il dit, il va vous confondre. Oh Muhammad, ne pas pas dire ton mentir. Allah subhanahu wa ta'ala a enregistré de surah 6 surah An'am, quand il dit, fa innahum la yukazibunak. Oh Muhammad, je ne vais pas dire ton mentir. Quand je vais dire ton mentir, là oui, je vais dire ton mentir. Mais seulement pour jouer, je vais connaître, je vais te mentir là toi. Parce que si tu es finable pour mentir, tu as fini de payer sa confiance là l'autre depuis avant. Mais tu n'es pas capable d'accepter ça que tu veux dire là. Si une personne pareille, chers frères et sœurs, nous prend l'île de nos jours. Combien de monde ne connaissent pas un imam, un zovum, nous t'en disons demain une mot. Quoi nous sentons-nous? Un du monde qui m'a côtoyé, c'est un bon du monde, un voisin, ça, ou bien un camarade de travail, et c'est un bon du monde. Hein? Parfois nous-mêmes nous disons, ah yo, bon Dieu, mon aime qui a l'air, c'est qui restait. Qui fait? Parce qu'il m'a côtoyé. Je connais 4 et 10 mounes qui étaient. Mais ça, Mohamed, là, qui était chef. Ça qui nous dit Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il était à l'os. Peine à plus grand moussiba qui n'arrive pas à dire, excepté l'amour de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Je connais 4 moussiba. Il faut nous gagner une seule idée qui appelle moussiba, problème qui n'arrive. Ça le dit, ça le mot, là, là, nous peut causer. Imaginez-nous courant coupé là. Imaginez-nous courant coupé. Qui nous fait? Ça courant, ça. Rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu an. Hadith qui trouve de Tirmidhi. Pas hadith, mais parole qui trouve de Tirmidhi. Il dit, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة quand il arrive sa jour que le prophète صلى الله عليه وسلم peut rentrer dans Madina أضاء منها كل شيء toutes choses il gagne l'éclairage. Et ça prophète là il dit quand il arrive sa jour là, vous connaissez sa jour là, ça c'est sa jour qu'au fait Banna il finit qu'il y a une nouvelle de Madina, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous venez qu'il y a sa nouvelle là. Chef professeur, il n'a pas mis ban Ansar. Professeur, vous comprenez. Vous êtes à temps. Des jours partez, vous êtes continué à temps. Vous venez qu'il y a une nouvelle, hein. Juste une gain nouvelle. Je ne pas me décourager dans attendre sa personne la vie. Je ne pas me décourager. C'est ce qui arrive le jour que je trouve lui. Anas radiallahu anhu dit quand il rentre dans Madina, sa prophète-là éclaire tout. Pas éclaire tout concernant la lumière là. Contentement qui rentre dans l'équerre de tout. Ça, la joie qui la ville de Madina a gagné depuis sa jour là. Fait plaisir pour vivre, Master. Fait plaisir pour vivre. Sa parole qui est ensemble avec lui. Mais seulement les contient, ils disent « Falamma kana al-yawm al-ladhi ma tafihi aslama minha kulla shay » Ils disent « Mais seulement qu'on arrive chaque jour qu'il quitte sa dunya là, aslam, tout une vie noire de yali, tout une vie noire. Ça s'agrée là, tu l'oses toujours figuer ce qu'à eux, ils quittent de mieux, c'est-à-dire. Notre génération va vous trop connaître là, eux. Parce que je ne côtoie pas sa personne là. Mais seulement, ban qui tient ensemble au lit, chers frères et sœurs, quand ils mourent, tu ne sens rien. Toute l'attitude, tout ça, la joie qui tient le vie, tout insensé, tout insensé, parce que sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend la lumière là, tout une ville, zulmat, une ville noire, la ville de Madina, une ville noire. Si Azodi, comme au guette la ville de Madina, on trouve ça contient l'éclairage là. Si, ça à l'époque là, c'est comme ça, mais quand ça prophète, tu décomptes, tu étais à l'heure. Si Azodi, comme vous guettez la ville Madina, le photo, ou bien dans la télévision, vous trouvez que ça a été éclairé là, mais quand ça prophète là, tu peux me dire, mais comment tu étais à l'os? Mais quand tu es personne là, quand tu es personne, tu étais chez toi. Imaginez-nous, ça personne n'a resté. Deuxième signe, Qiyama, chers frères et sœurs, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya. Nous connaissons. Une question venir, c'est. Mais quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya, qui les fait les faire? Qui les fait les faire parmi les faits? Qui les fait concernant nos dînes? C'est qui? Wahi coupé. Wahi coupé. Qui veut dire ça, wahi coupé? Nous connaissons. Wahi coupé, c'est un prophète. Non. Wahi d'Odin, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est inspiration qui Allah subhanahu wa ta'ala descend d'une créature pour créature-là dire ça. Nous dit bien une créature. Qui fait? Parce qu'il est capable d'un insan. Il est capable d'un animal aussi. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala de sur la Nahl. Il dit, et quand Allah subhanahu wa ta'ala descend wahil ou ban zabeïla, il y a comme ça, prends de la case de la montagne. Wahil descend les abeilles. Est-ce que wahil descend juste un prophète? Non. Wa awhayna ila ummi Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous finissons de descendre wahi le maman Moussa alayhi salam. Mettez en quoi de famille. Leur bizarre arrivée. Ils ont gagné wahi ou non? Ils ont gagné wahi. Donc nous pouvons trouver que wahi est capable de descendre un autre qui est insan. Il descend un qui n'est pas prophète. Il descend un prophète. Mais seulement à l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, wahi coupé. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala arrête de descendre depuis l'échelle, ben l'autre qui a envie de se serviter. Coupé à ce quelle connexion là, comment aller là? À travers Wahi, Et n'a dit, moi, je peux connaître quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, ça qui appelle wahila coupé complètement. Arrêtez la wahila, c'est-à-dire. Comment nous connaissons ça? C'est hadith. Quand Abu Bakr radiallahu anhu et qu'Omar radiallahu anhu, hadith qui trouve dans Sahih Muslim, les dit, quand je suis dans, عندما زارها, je l'ai visité qui ça n'a? Umu Ayman. Umu Ayman, c'était un parmi ban qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Madina. Umu Ayman. C'est quand lui-même qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand tu es allé, j'ai dit comme ça, est-ce qu'il te n'a quelque chose? J'ai dit à celui-là, qu'est-ce que tu as là-bas? Non, il est bien. Qu'est-ce que tu as là-bas? Non, il est bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passe la mêle au Samoutona, il t'y a gilé, excepté qu'il y a gilé, vous êtes tout. Sa madame là, Abu Bakr radiallahu anh, Omar radiallahu anh, al visite-li, barda maudin nabi sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai visite-li. Falamma intahaya ilayha bakat. Kabana infini salieli, infini fait tahiya, veden fait li salam, bakat. Il commence à pleurer. Fakala laha ma yubkik, ma indallahi khairu li rasulih. Ben Adjalis, oh Mouhamad, mais qu'est-ce que tu veux pleurer? Tu ne connais pas qui, en tant qu'un prophète, ça qui Allah subhanahu wa ta'ala réservé pour lui d'akhirat, mais il y a que ça lui vient là? Ou alors l'akhirat khairun, wa abqa. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui akhirat là, meilleur, et lui pour tous les temps. C'est ça le général de sa prophète là. Ben pour sa prophète là. Faqalat, dit-il. ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما بيبلغي لك وسا، ما بيبلغي لك وس، ما بكونك الله سبحانه وتعالى قد سكمي يفوس بروفيت. ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. إذا مش ما بيبلغي لك وس، depuis ce l'amour وحي coupé depuis le ciel. Mais déjà sa connexion arrêtée, c'était depuis Allah. إذا ما بيبلغي لك وس. Chers frères et sœurs, Fajarala Yabkiyana Maraha, Abu Bakr et Omar radiallahu anh, je tous les deux commencent à pleurer ensemble avec lui. Je ne comprends qu'il peut dire. Abu Bakr avec Omar radiallahu anhu, je commence à pleurer ensemble avec Umu Ayman radiallahu anhu. Je ne comprends qu'il appelle Kawahi coupé de la terre. Qui restait alors? Qui restait? En deux pour sa robe là, et coupe sa connexion avec nous là, chers frères. Il veut couper, wahi arrêter. Qui restait à l'os? Qui restait? Ça pour montrer nous qu'on peut dire moi comme ça, qui au fait, parmi Bansi Kiyama, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un seul avenir, deuxième qu'on liquide du Niala, mais qu'on peut dire moi, liquide du Niala, c'est parce qui? Sa prophète là, cher professeur, et tu peux gagner wahi comme une dernière personne qui n'a l'os à la terre. Une fois qu'il y allait, Wahi arrêté. Mais c'est une personne qui a envie de connaître quelque chose. C'est la personne qui connaît la terre. Veut dire nous vivons aussi ça qui nous est la terre. Puis nous vivons la loi pour nous. Nous vivons ça qui nous est là. Il y a absolument, comment dire, il me donne moi un sac, diamant traité. Tu vis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça qui est dans ce sac là, c'est un terre. Pas pour vous donner un nouveau. Pas pour donner un nouveau. Troisième, chers frères et sœurs, là, au commencement-là, nous prenons dans l'autre. Nous prenons dans l'autre qui fait. Parce que nous finissons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte Dunia, ensuite troisième, mais à partir du cinquième, sixième, nous voyons qu'à continuer rang. Parce qu'attention, qui qu'il y a le prendre en rang, non. Parce qu'il banne qui vient après troisième, fini là. Là, il vient de ban, cas général. Là, les vignes de ban, cas général. Là, nous sommes trois premiers. Là, alhamdoulilah, nous gagnons bien. Premier, la vigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, quand il guide de Nia. Troisième, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de faire hadith qui dit prépare six petites choses qui précèdent le jour Qiyama. Et là-dedans, il dit Fatou Baytul Muqaddas. L'ouverture de la Palestine. Et ça, prophète, là, que tu peux causer, là. Regardez ça, prophète, là, qu'on peut causer. L'ouverture de la Palestine. Et les fins servis bien bête de Muqaddas. Veut dire sa première qibla qui tient là, pour sa dîme là. Sa qibla là, chers frères et sœurs, malgré qu'il Kaaba, tu défends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit dans ma cale, tu fais vieille de sa direction là, pour lui faire namaz. Oui. Et tu fais vieille direction Palestine. Sa baytul muqaddam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait miraj, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie Jibril alayhi salam, il dit qu'il a pris depuis ma cale, c'est pour démontrer là-haut. Non. Prends-lui, amène-lui là-bas avant. Baytul muqaddam. Amène-le là-bas. Hein. Là-bas, qui fait? Parce que sa prophète-là, quand il déboute, il fait des rakats, quand il vient à l'arrière pour dresser ça, il y a environ 124 000 prophètes qui déboutent derrière lui. Comme ça, place-là, c'est quoi alors? Il y a environ 124 000 prophètes qui déboutent derrière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il fait des rakats, comme a fini, il monte. Il monte. Chef Rasul, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam vint de Madina, ma cape plie en bas, mais dès qu'il monte un petit peu de l'eau, il y a le de Madina. À cette époque-là, Acham commence à être envahi par les juifs, à cette époque-là. Et les juifs, dans quelle direction ils viennent? Ils viennent de direction Qibla la même. Mais dès qu'on quitte de Madina, quand il fait 10 bouts de direction Qibla, il y a les juifs là-bas. Et les juifs, ils commencent à donner sa bonne place-là, l'importance. Donc, sa prophète-là commence bien sa tracala. Des bandits fait commencent à envahir ça. Effectivement, ça commence à prendre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, premier tracas qu'il a gagné, c'est qu'il s'est continué vieillir dans cette direction-là, pendant qu'il a pensé qu'il ne pourrait faire pareil comme un juif. Et alhamdulillah, nous connaissons beaucoup hadith qui montrait nous qu'il ne nous a pas fait pareil comme un juif. C'est pour ça, une de bonnes raisons, de bonnes sagesse, qui bonnes savants amener. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pédit de surat de surat al-Baqara, « Qad nara taqalluba wajhika fi s-samaa, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. » Certainement, nous pouvons trouver toi à chaque fois que tu guides vers l'échelle au Muhammad, tu peux un qibla, je vous donne toi un qibla qui fait toi satisfait. À partir de cela, viens-toi vers masjid al-haram. C'est là qui direction Qibla changé. Il saute depuis Kotsa, il saute depuis Baitul Muqaddas, il vient vers direction Makkah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Madina, ben juif fait envahir sa place là-bas. Pas c'était en 2013 ça. Pas en 2013 ça. C'est une petite chose qui est arrivée dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, depuis ça l'époque là ça. Mais seulement parmi ben garantie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous, les dit, Fatou Baitul Muqaddas. Fatou Baitul Maqdas, qui, sa place-là, ne pourrait conquérir lui. Ne pourrait conquérir lui. Effectivement, chers frères et sœurs, le 16e Hijri. Le 16e Hijri, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il envahit pour tout. Il reprend sa mandible. Il reprend sa mandible. Qui fait nous préciser bien le 16e Hijri, parce qu'il nous dire, un canard, c'est là qu'a pensé, mais mandible-là, pas pour nous, c'est là. Oui, mais à cette époque-là, ça l'ennemi qui l'a dit faux, ou bien qu'il a même plus faux, parce que je ne retue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré ça, il reste, on va y aller. Il reste, il reprend libre. Donc, pour cela, reprend libre, c'est une question de temps. Mais ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'un moment que le troubant juif peut prendre sa place là, les garanties sont humains. Qu'on est pour arriver un jour que je pourrais prendre sa place là. Inch'Allah, l'autre semaine, chers frères et sœurs, quand nous finissons, dire, nous commençons parmi les signes qui viennent avec nous, un après l'autre, veut dire quand nous pouvons dire un après l'autre, veut dire les signes qui ne vont pas lire le rang, mais seulement les pouvines de bonne façon qui nous trouvent, les possibles demain qui nous trouvent clair devant nous, ou bien les possibles demain qui m'ont même mot là-dedans, qui nous verront dire pour ça, pas nécessairement un signe réellement, c'est une mauvaise petite chose. Pas nécessaire. Mais seulement c'est un signe. Et n'a pas mis Bansi, qui c'est une mauvaise petite chose que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, je n'ai rien pas pour arriver aussi longtemps qu'à l'exemple des crimes. Crime. Si nous calculons nous un point, le pape Maurice, qui grand matin qui nous va lever dans un crime. Ou bien l'amour, qui a tel niveau, mais pourtant il y a mon zone, Paris ça va quelque chose là. Pas mis Bansi. Ou bien pour mis Bansi, il est capable de péché. Ou bien pour lui, il est capable de vendre quelque chose courant de la vie. Ben, qui sont au courant de la vie, ne peut prendre comme man facilité, mais seulement, c'est pas un man qui pas de dire qu'il n'est pas bon. Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai rien pas pour arriver aussi longtemps que je ne trouve pas une madame et ce monsieur de business. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut dire ça, c'est quelque chose interdit. Non! Mais seulement juste ça qui lui fait maintenir l'oreille, qu'on est de même au compte, au fait, tu peux dire, moi, ça, combien? C'est moi, moi, juste, mon état de la scène, mon état de la scène, je m'occupe tout. Ne te téléphone un coup de la carte, je m'en décommie. Et ça, on dit que ça n'a vrai patron là. Les gens nous disent que ça qui fait occuper business là. Ça, c'est pas, nous dire bien, c'est pas une question qui n'est pas interdit. Nous ne pouvons pas dire l'interdit là. Non, c'est pas l'interdiction qui nous fait causer. Mais nous fait causer l'oban, si. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire je n'ai rien pas pour arriver aussi longtemps qu'une madame pas aide ce monsieur de business. Si nous guettons, oui, il y a qu'au bon, alhamdulillah, c'est un membre de la famille et ce madame même veut dire travailler en place. Mais seulement, madame n'est rentre de business là, oui, non. Madame n'est rentre de business là. Il peut aider ce monsieur, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi une prédiction qu'il finit de donner, cher frère et sœur, et c'est de sa façon là qu'Inch'Allah, à partir de l'autre semaine, quand nous finissons ces trois premiers là, là, à partir de là, Inch'Allah, nous pouvons tout le bantin qui vient, nous pas dire du Laurent, mais seulement le bantin qui nous peut vivre dans nous la vie tous les jours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.